Auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, Lisiane vous dit bonjour, quoi de neuf ? Semaine de congé, semaine d'Halloween et de la Toussaint. Maretsu, l'ex-organisateur du marché de Noël, accusé de l'abbaye de voler son concept. Ciné, après 38 ans de service, Philippe ferme sa librairie. Tous les matins avec vous, 105.5 FM. La fréquence idéale. Les anniversaires people aujourd'hui, Pierre Groscola, demain et le personnage de film dessin animé Astérix. Lundi, Chimène Badi. Mardi, Robbie Schneider. Mercredi, Adamo et la Belle et le Clochard. Jeudi, Richman Jean-Luc. Vendredi, Franklin. Samedi, Capucine. Et dimanche prochain, jour d'enseigne. Comme je vous le disais, c'est la semaine d'Halloween de la Toussaint et on va demander à Maureen de parler de l'histoire de Halloween. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, ici Maureen. Connaissez-vous l'histoire d'Halloween ? Halloween est une fête qui se célèbre le 31 octobre, veille de la Toussaint. Fête très importante dans la plupart des pays anglophones, Halloween est moins connue en France et en Belgique, mais elle commence à être célébrée. Découvrez avec moi l'origine d'Halloween, sa définition et ses traditions ancestrales. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise, le Nouvel An celtique. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais bien le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, prénommé Samhain. En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux États-Unis. Avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir du 9e siècle de fêter la Toussaint, donc tous les saints, le 1er novembre. Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween, c'est une sorte de raccourci de l'expression All Hallows Eve, qui signifie le soir de tous les saints, c'est-à-dire la veille de la Toussaint le 31 octobre. Alors la citrouille, pourquoi est-ce que la citrouille est le symbole d'Halloween? Alors à l'origine, le symbole d'Halloween était un navet, issu de la légende Jack-o'-lanterne. Jack à la lanterne, le personnage qui a inspiré l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux États-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille qui pousse en octobre et qui est bien plus facile à sculpter. C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween. Halloween est devenue une grande fête qu'adorent les Américains. Un mélange qui rappelle la fête celte d'antan, mais également El Día de los Muertos ou la fête des morts que célèbrent les Mexicains. Une dédramatisation de la mort durant laquelle on se déguise en squelette ou l'on festoie en famille et entre amis au-dessus des tombes des aïeux. Halloween se prépare tout le mois d'octobre. C'est une fête aussi importante que peut l'être Noël chez nous. Dès le début du mois d'octobre, on décore toute la maison aux couleurs d'Halloween et on a déjà réfléchi aux costumes que porteront tous les membres de la famille le soir du 31 octobre. Et vous, comptez-vous vous déguiser cette année? Joyeux Halloween! Restons dans l'ambiance d'Halloween, Radio Chevaucheur. N'oubliez pas, cet après-midi, nous aurons Josiane Martin. Vous pouvez vous déguiser et il y aura bien sûr deux repas à gagner pour le plus beau, la plus belle. Alors, comme je vous le disais, cet après-midi à 14h, nous aurons Josiane Martin, le plus beau et la plus belle qui sera déguisée. Eh bien, recevra un bon repas du restaurant. Merci déjà aux personnes qui vont participer à Radio Chevaucheur cet après-midi. Et pour les personnes qui veulent partir un petit peu du matin, profiter un petit peu qu'il ne pleut pas de trop, eh bien, on vous attend à Sarcelles-Laurent. Féerie gourmande à Sarcelles-Laurent ce dimanche 29 octobre de 10h à 18h au centre sportif. 40 artisans et producteurs locaux, bars, food truck, tout cela au profit d'œuvres caritatives. Sarcelles-Laurent ce dimanche 29 octobre de 10h à 18h. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du 6, 7, 9, 15, 17, 38, 33, 33 pardon, pas le 38, je sais pas pourquoi je dis 38, 33 et le 11. Joker Plus 664, 579, signe Bélier. ce mardi à 10h, Jean-François recevra le chanteur Robert Farès. Il sera également au marché de Noël à Radio Chevauchard. Mercredi matin, vous aurez Claudine sur la 105.5 à 9h. Et à 14h, Robert. Ce mardi après-midi, Flash Accordéon avec Viviane. Demain matin, on vous rappelle que vous avez votre animateur Michel de 9h à 10h. Et puis les émissions habituelles et votre petit nouveau Eddy, hein, qui est là tous les jours, tous les lundis à 18h. Il était la semaine dernière avec nous, il s'appelle Luigi, il a présenté ce morceau avec sa sœur Elvire. N'oubliez pas les auditeurs qui partent à Tourcoing, c'est dimanche prochain, le 5 novembre. N'oubliez pas que nous clôturons pour Catiminet le 1er novembre pour les repas du 25 novembre. Il reste encore quelques places pour Andonie le 24 novembre à Namur. Les cartes sont toujours en prévente à Radio Chevauchoir. On vous donne rendez-vous également le 6 et 17 décembre, le marché de Noël de Radio Chevauchoir. Artisans, commerçants, n'oubliez pas de vous inscrire. Il reste encore 2-3 places et puis ça se termine. Le samedi, on commence avec le jeu bingo à 11h. Et puis nous aurons nos artistes comme Jean-Pierre Darras, Claudie Delfos, Robert Farès et bien d'autres. Toute l'après-midi, l'entrée est gratuite. Et puis le dimanche matin, nous recevrons Elliot Ness qui viendra nous jouer ce genre de musique si vous aimez. Et à cette occasion, on vous propose un repas boudin, frites, compote ou de la saucisse. Et à 14h30, nous aurons Jean-Paul. Le musicien qui nous vient de la région de Liège. Ce n'est pas notre animateur, hein, je vous rassure. Ah, si vous aimez ce genre de musique des Shadows, rendez-vous alors dimanche 17 décembre à Radio Chevauchard dès 11h, 11h30. Vous aurez Elliot Ness qui sera là pour vous faire passer une bonne matinée en écoutant bien sûr Radio Chevauchard sur le 105.5 et www.radiochevauchard.be que vous pouvez soutenir hein, Internet 20€ par an. Et n'oubliez pas que les nouvelles cartes 2024 sont arrivées. Des années sans répit. Voici votre apéritif musette jusqu'à midi. L'émission est parrainée par Simone de Denet, Mimi de Crupet, Julien Marie-Thérèse, Karine et David, Julos et Marie-Thérèse, Robert et Yves, Marie-Louise, Patricia et Michel, Mireille et Loulou, André et Brigitte, Alain de Malone, Michel et Jacqueline, Nicole et Jacques, Gisèle de Jeff, Papy Georges, Nicole de Staff, Luce Lavoyante, Mireille de Bambois, Monique de Buzet et Christiane de Jean-Blouse. Si vous voulez parrainer l'émission, ça vous coûte 3€ pour le mois et le mois termine. J'espère que vous avez bien changé votre heure. Hein. Les deux standards téléphoniques sont ouverts et n'oubliez pas que la première série de la première carte dédicace se termine le 31 décembre. C'est la toute première hein, qui était déjà là au mois d'avril. Alors, pour certaines personnes, il reste 2-3 personnes qui ont encore leurs cartes. N'oubliez pas de les liquider avant le 31.